avance dans le froid, béton sous les semelles. À 20 ans la rue t'apprend que personne t'appelle. J'ai grandi loin des promesses qu'on vend à la télé. Ici c'est chacun pour soi et personne vient t'aider. On apprend vite que les sourires sont des armes, que les paroles tuent plus lentement que les drames. On garde la tête haute parce que baisser c'est perdre. On parle pas d'avenir, on parle de tenir jusqu'à demain frère. On marche droit même quand le sol veut nous plier. On supporte le poids que personne veut soulever. Béton sous les semelles, cœur blindé d'acier. On avance dans la nuit même quand tout veut nous briser. Béton sous les semelles, on lâche rien jamais. On apprend à survivre quand le monde veut t'effacer. La rue t'apprend la méfiance, t'apprend à calculer. Chaque regard peut être une menace dissimulée. On vit avec la peur comme un bruit de fond. On oublie l'innocence, ça fait longtemps qu'elle est partie de toute façon. On rêve pas grand, on rêve juste de respirer. De trouver un coin où personne vient déranger. Mais la vie frappe fort sans prévenir, sans douceur. Alors on durcit l'âme pour protéger ce qui reste du cœur. Béton sous les semelles, cœur blindé d'acier. On avance dans la nuit même quand tout veut nous briser. Béton sous les semelles, on lâche rien jamais. On apprend à survivre quand le monde veut t'effacer. Béton sous les semelles, on trace malgré les blessures. C'est dur, mais c'est la route qui forge nos armures.